À toutes les autres gravures qu'on a observées. Pour la voiture électrique, j'ai pas décidé. Mais pour la borne de recharge, j'ai pas hésité. Je l'ai fait installer par un artisan qualifié. Pas par mon mari qui ronfle son canapé ! C'était Easy ! Avec Easy by EDF, faites installer une borne de recharge compatible avec tout type de véhicule électrique. Mes travaux réussis, c'est simple. C'est Easy. Voir conditions sur easy.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Au-delà du clitoris, une série de Nejma Bouakra. Au départ de cette série, il y a ce clitoris en 3D qui a fait le tour des réseaux sociaux et cette impression qu'on pouvait aller plus loin pour tenter de faire le tour de la question, en se demandant par exemple comment l'anatomie a découvert cet organe. Alors pour commencer, les personnages. Une archéologue de l'art pariétal, un explorateur à lampe de poche, une chercheuse qui scrute les mots, une historienne qui remonte le fil, une philosophe du corps et une historienne du féminisme. Ensuite, le décor. Le froid, Fontainebleau, des grottes, le paléolithique supérieur, des sexes féminins gravés, la médecine, la dissection, Galien, Colombo, Fallope, la renaissance, une dispute, la redécouverte et l'oubli. Aujourd'hui, premier épisode, on chante et on éloigne les petites oreilles du poste. C-L-I-T-O-R-I-S. Au-delà du clitoris. C-L-I-T-O-R-I. Archéologie S. Du clitoris. Un documentaire de Nejma Bouakra. Entendez-vous dans les campagnes rugir nos féroces compagnes au clitoris citoyenne? Ce serait un cri strident ou ululant de ralliement dans nos contrées d'aujourd'hui. L'agressivité sexuelle des femmes redonne des couleurs à la gente féminine, se pavanant les joues roses, le mamelon ferme et le clitoris gorgé de sang érectile. Le C-L-I-T-O-R-I-S est devenu une sorte d'emblème de la conquête du plaisir. Pas sans moi. De nouvelles tribus féministes parsèment leur trajectoire de dessins de clitoris en forme de bretzel et nous invitent à nous interroger sur les premières représentations du sexe féminin, des triangles. Plongeons dans un passé antédiluvien, celui de la préhistoire. Ici, une dalle en porte-à-faux sous laquelle on peut imaginer qu'un tout petit groupe de chasseurs, si on se projette au temps des chasseurs-cueilleurs, aient pu trouver un refuge temporaire. Par exemple, s'ils craignaient l'orage. Mais on ne peut pas envisager évidemment l'installation d'un groupe important et un séjour prolongé. Voilà, c'est quand même extraordinaire de penser qu'on est à une heure de Paris et qu'on a des paysages pareils. On est dans un autre monde. Carol Fritz, dans quel paysage vivaient ces hommes et ces femmes de la préhistoire ou du paléolithique supérieur? Alors, dans des climats déjà beaucoup plus froids que le nôtre, puisqu'en fait, on a une très grande glaciation à moins 20 000. Donc, on a des populations qui vivent dans des climats froids. Donc, elles chassent le renne, le bison, l'auroque. Il y a des chouettes arfans, il y a des ovibos. Et dans ces sociétés-là, ces populations, elles peuvent vivre en plein air dans des formes de campements où elles s'abritent des fois à l'entrée des grottes où elles vont faire des dessins dans les parties profondes. Nous marchons dans la forêt de la Commanderie, qui est à deux pas de la forêt de Fontainebleau. On peut apercevoir ces rochers caractéristiques. Laurent Valois, vous êtes un habitué de ces lieux et régulièrement, vous allez sonder les infractuosités de la roche, là, à la recherche de motifs venus de temps très anciens. Oui, tout à fait. Vous avez parfois une torche. Oui, parce que je recherche donc des gravures rupestres et souvent ces gravures se trouvent dans des cavités extrêmement sombres. Évidemment, beaucoup de gravures sont très érodées et donc c'est grâce à la lumière rasante qu'on arrive à détecter beaucoup de choses anciennes qu'on ne voit pas forcément en lumière naturelle. Ce massif est connu des grimpeurs. Nous sommes à deux pas du rocher de la Dame Joanne. Oui. Ouais. C'est-à-dire la Dame Jeanne en patois local. Quoi. Et on peut penser que les hommes préhistoriques qui ont fréquenté le massif, il y a donc un certain nombre de millénaires, ont vu un paysage grosso modo le même que celui qu'on voit actuellement. Alors le paléolithique c'est très long, sauf que là on va parler d'une période donc qui s'appelle le paléolithique supérieur. Carole Fritz, archéologue. C'est une période en gros qui va en Europe de l'Ouest, on va dire moins 40 000, moins 45 000, jusqu'à moins 12 000, moins 10 000, voilà. Ce sont des chasseurs-cueilleurs-collecteurs qui vivent en groupe, qui sont nomades. On a des populations et des cultures, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul ensemble. Mais ce qui va unifier cet ensemble, c'est certainement la pensée symbolique. On va parler de l'utilisation de symboles pour créer des expressions graphiques complexes, c'est-à-dire des images. Ce sont les premières images de l'humanité. Ces images, on va les retrouver sur les parois des grottes ou incisées sur des objets en os, en ivoire, en pierre. C'est-à-dire qu'au travers de ces images, c'est une communication qui va se faire au sein des sociétés. C'est la mise en place de ce que nous, on appellerait aujourd'hui une religion. Elles n'écrivent pas, mais elles gravent. Elles n'écrivent pas, mais elles dessinent. Et donc, c'est une forme d'écriture, mais ce n'est pas l'écriture, on est bien d'accord. On va vers inscrire ce que l'on pense, parce qu'il faut que ça soit inscrit. Voilà. Et ce qui change profondément avec les périodes juste avant, qu'on appelle le paléolithique moyen, et avec notre cousin qu'on appelle l'homme de Néandertal, c'est que nous, Homo sapiens sapiens, on va aborder l'image complexe, c'est-à-dire le dessin à part entière tel qu'on peut le définir aujourd'hui en histoire de l'art. Mais ce n'est pas une photographie de cet environnement, puisque cette image, elle va passer au travers d'un filtre culturel pour porter un message qui est propre à ces cultures, un message symbolique. En plus de ça, quand on a des représentations humaines qu'on dit anthropomorphes, elles sont pas réalistes. Elles sont soit bestialisées, soit schématisées. Alors, bestialisées, en fait, je viens de le dire, mais c'est un mot que j'aime pas tellement. Ce sont plutôt des êtres composites, c'est-à-dire un mélange d'éléments d'un corps humain associés à des éléments animaux. Et alors, ça, ce sont des représentations qu'on va trouver tout au long du paléolithique supérieur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 5%, la majorité des représentations, c'est le corps de la femme. Et le corps de la femme au travers de la statuaire, des petites statuettes en pierre, en ivoire, ou de symboles plus schématiques que sont des triangles avec la vulve marquée, qui sont la symbolique du sexe féminin. Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit dans cette petite cavité? C'est pas une petite cavité, justement. Pour le massif de Fontainebleau, c'est une grande cavité, ça. Laurent Valois, archéologue amateur. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a des cavités de taille beaucoup plus réduite qui permettent à une ou deux personnes de se tenir à l'intérieur, pas plus. Souvent, dont l'accès est difficile parce que c'est des entrées, ce qu'on appelle des entrées en hublot, quoi, ou des entrées en trou d'homme. Donc très souvent, il faut rentrer à quatre pattes, voire en rampant. Alors par contre, ici, vous voyez, on peut rentrer en se tenant debout, donc c'est tout à fait exceptionnel. Et on a un espace important qui permet à un grand nombre de personnes de se tenir à l'intérieur. Donc ça, c'est pour nous, c'est une grande cavité. Voilà. Alors ici, donc, on est dans ce qu'on va appeler le porche. Donc il faut qu'on s'enfonce dans la cavité pour commencer à voir des choses. Bon, là, maintenant, il va falloir progresser à genoux, hein, puisque le plus on s'enfonce vers l'intérieur et plus la hauteur de plafond se réduit. Alors, on commence à voir ici, peut-être, des choses plus représentatives d'un art rupestre ancien, avec ici un quadrillage. Et c'est par ici qu'on va avoir la représentation qui nous intéresse, et qui est ici. Et donc, on peut voir ici une représentation de pubis féminin. Bon, là, on ne peut pas vraiment parler de triangle pubien, puisqu'on voit que la forme est plutôt rectangulaire. Alors, on voit bien donc le contour et puis le sillon médian. Et ce qu'on peut voir, c'est que, contrairement à toutes les autres gravures qu'on a observées, ici, les tracés sont très émoussés par l'érosion. Alors, quelque chose qui me paraît très intéressant avec cette gravure, cette tache rouge. Ça, c'est pas du pigment, c'est une tache, c'est une coloration naturelle de la roche, extrêmement circonscrite. Et on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas une association volontaire faite par le graveur entre la représentation féminine et puis ce petit nuage de couleur rougeâtre. Dans l'absolu, ce motif-là, je ne peux pas vous dire il est de telle période à quelques siècles, ni même au millénaire près. Donc oui, je pose la question. Est-ce que certaines de ces vulves, entre guillemets, ne seraient pas attribuables à des graveurs paléolithiques? Mais j'en ai pas la preuve matériel. Oui, parce que là, aucun échantillon d'ADN qui permettrait de pouvoir, par exemple, si simplement il y avait la matière, une matière colorée qui pourrait dater quelque chose. Voilà. Il n'y a pas de... Non, non, on n'a pas de pigment. Et donc, partant de là, on ne peut pas procéder à des analyses physico-chimiques. On a tout de suite compris qu'il s'agissait du sexe féminin quand on a observé ces motifs. Alors, au début, peut-être pas tout de suite, mais le rapport a été vite fait, parce que ce sexe féminin, on le retrouve sur la statuaire. Donc, en fait, quand on a une statuette dans les mains du gravétien, on voit ce triangle marqué avec la vulve marquée. Donc, on a fait le rapport avec ce triangle qu'on avait sur les parois. Voilà. Si vous voulez, c'est une synecdote du corps de la femme, c'est-à-dire une réduction du symbole, c'est-à-dire on n'a pas forcément besoin de faire la totalité du corps. Ce qui importe, c'est que la vulve représente le corps et représente certainement autre chose, puisque c'est quand même la femme qui porte l'enfant, qui donne la vie, et la vie, elle arrive par la vulve. Difficile de préciser l'origine des pétroglyphes du massif de Fontainebleau. Triangle pubien, graffiti récent de vulves imitant les précédents, fente intentionnellement creusée, l'art rupestre cultive de tout temps ses mystères. À la recherche de l'origine du monde ou de la première vulve, il se pourrait que nous soyons bredouilles, comme de bien entendu. Mais une tempête souffle sur la préhistoire et ses râles mal. Longtemps chasse gardée des préhistoriens, courant derrière les chasseurs de bisons, les travaux pionniers de Claudine Cohen renversent l'ordre dit naturel du monde préhistorique et les attributions d'objets, de fossiles, de gravures à l'un ou l'autre sexe. Mais à qui appartiennent ces mains qui se détournent de la vie courante pour inscrire sur les parois des signes adressés à d'autres? La place de la femme et la vision de la femme dans les sociétés paléolithiques supérieures, c'est une longue histoire, puisque la préhistoire, c'est une affaire d'homme à l'origine. Donc, L'image de la femme, elle a été étudiée quand on avait des images sculptées ou sur des objets ou sur des parois, mais en dehors de ça, la femme n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un monde d'hommes étudié par les hommes. Parce que c'est la préhistoire des chasseurs-cueilleurs-collecteurs, pas des chasseuses-cueilleuses-collecteuses. Et par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès inverse non plus. Donc, par contre, on repère en grotte des éléments qui peuvent nous prouver qu'il y avait peut-être des femmes présentes. Alors, ces éléments sont quoi? Ce sont des traces de pieds, par exemple. Alors, on a des grottes avec des traces de pieds adultes qui font 36-37 ans pointure. Alors évidemment, elles ont toujours été interprétées comme des traces d'adolescents. Puis quand c'est des pieds plus grands, ce sont des hommes. Sauf que, pour être très honnête avec vous, je chausse du 36,5. Donc je suis une éternelle adolescente. C'est toujours cette image, la femme doit rester au campement, près du feu, et puis ce sont les hommes qui vont faire les dessins ou les sculptures ou tout ça, dans les grottes, au tuc de Doubert, où on a ces empreintes dans le réseau supérieur, ou qui nous guident dans un long cheminement vers des sculptures en argile de deux bisons. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas des empreintes de femmes. Il y a des sociétés où la femme est très impliquée dans le symbolique social, donc on a sur la planète des exemples contradictoires. Donc pourquoi aller choisir plus un exemple qui nous arrange que l'autre? C'est pour ça qu'il faut faire attention dans notre système d'interprétation, un système de balancier qui va d'un côté ou de l'autre. Donc je ne ferai pas ce que mes collègues masculins font, c'est-à-dire que je n'irai pas à dire imposer que c'est la femme, mais moi je n'ai pas de preuve archéologique que ça ne soit pas une femme. Lorsqu'Inanna s'adossa au pommier, sa vulve apparut sous un jour merveilleux. Réjouie par sa vulve extraordinaire, la jeune femme s'applaudit elle-même. Ce chant sumérien de 4000 ans avant notre ère, ma foi, met en joie. Et qui l'entend se dit heureuse d'en être pourvue, d'une vulve. Et pourtant, combien de détours lexicaux pour parler du sexe féminin. Ce cloaque, n'est-ce pas? Terme latin pour dire égout, ou le dégoût, ou d'un dame en bras les parties dont il faut avoir honte, expression d'usage au milieu du XVIIe siècle. Empruntons donc les méandres des détours lexicaux pour évoquer cette chose, sentie, tenant entre deux doigts, le bout de la langue, là, sur le devant du palais, le C-L-I-T-O-R-I-S. Un petit machin très gentil, que tu as ma belle, et qui me tente. Ce n'est pas tes dessous de bras, ni le bout de tes appâts qui pendent. Non, non, c'est tout simplement un machin qui est fendu en amande. Odile Fillot, quels sont les différents termes que vous avez croisés pour désigner le clitoris? Oui, alors on trouve des mentions du clitoris dans la littérature médicale de l'Antiquité. Donc en grec, donc au départ, il était appelé la myrte ou la baie du myrte, voilà, qui est un petit arbre qui produit une petite baie ronde ou oblongue, un petit peu violacée. Voilà, donc ça fait clairement référence uniquement au gland du clitoris. À ce moment-là, il n'y avait pas encore eu de dissection, donc on n'avait pas d'idée de toute la partie qui était cachée. Et puis, un peu plus tard, mais toujours dans l'Antiquité grecque, c'est un autre terme qui s'est imposé, qui était la nymphe. On a employé ce terme parce que, enfin, l'explication qui est donnée par un des auteurs d'un traité médical sur l'anatomie, c'est que le clitoris ressemblait à une jeune mariée cachée sous son voile. Et donc c'est à ça que renvoyait le mot nymphe. Si on se figure le gland, vous imaginez le gland comme une petite chose ronde qui serait le visage, et puis le capuchon du clitoris, prolongé ensuite par les petites lèvres, ça fait un peu comme un grand voile qui est posé sur la tête. Voilà, de la jeune mariée. Bien entendu, les hommes et les femmes ont une connaissance du clitoris, ça on peut ne pas en douter, ou on ne devrait pas en douter de toute éternité, pourrait-on dire. Delphine Gardet, historienne. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir comment, en tant qu'historien ou historienne, retrouver les traces de cette connaissance intime des sujets qui n'ont pas laissé de traces. Alors, si on se place du côté de la connaissance savante, eh bien, de nouveau, on se retrouve entre une première époque où, pour l'essentiel, on a des catégories, des nomenclatures, des mots, des termes, des terminologies. Donc, on va voir le clitoris nommé dans les textes anciens, dans les textes donc de l'Antiquité grecque, nommé encore dans certaines traditions du Moyen-Âge, en latin, en arabe, puisque la médecine est arabe pour l'essentiel dans une grande partie du Moyen-Âge, et puis disparaître en quelque sorte et revenir. Donc il fait plusieurs apparitions et disparitions avec un autre statut ou un autre régime de véridicité, hein, ou de réalité objective, qui tient justement à cette science nouvelle qu'est l'anatomie et qu'est la dissection. Elsa Dorland. Dans l'Antiquité, dans le monde grec, qui a accès au corps des femmes pour les examiner? Ce sont essentiellement d'autres femmes, sachant que dans le corpus hippocratique, évidemment, un certain nombre de considérations sur le traité des maladies des femmes relèvent d'une connaissance indirecte des sages-femmes sur lesquelles s'appuie Hippocrate. Mais Hippocrate lui-même, justement, va non pas essayer de capter cette connaissance, mais va s'intéresser de près, justement, à l'importance de l'observation directe de l'anatomie féminine. Observation directe, c'est-à-dire, est-ce qu'on sait comment est-ce que les femmes étaient observées? Alors, toute la question, c'est surtout sur, du rapport entre le corps vivant et le corps mort. Donc, l'observation du corps des femmes se fait essentiellement sur l'accouchement, auquel cas, là, les médecins n'ont pas accès, en fait, au corps. En revanche, évidemment, se pose la question de la dissection. Et là encore, sur... le corpus hippocratique, on a assez, des descriptions qui sont à la fois très précises, mais aussi avec toute une pensée médicale qui fonctionne par analogie. Donc avec la dissection notamment du corps de la femelle, de la truie par exemple, et qui va engager dans toute une discussion sous l'Antiquité sur le nombre d'utérus dans le corps féminin, et avec la présupposition que les femmes... par exemple, aurait plusieurs utérus, ou en fonction de cette analogie avec le corps animal et notamment principalement avec le corps de la truie. Et cette valeur de l'analogie, en fait, elle est ce sur quoi s'articule de façon paradigmatique la réflexion de l'anthropologie médicale antique. Et donc, on considère que, par exemple, ouvrir le corps d'une truie et observer ses organes permet, par analogie, de déduire notamment la fonction organologique chez l'humain. Évidemment, ce rapport à l'analogie va être abandonné à la modernité, et là se met en place, par exemple, des considérations sur l'expérience directe ou l'expérimentation sur le corps propre. Et donc la pensée analogique n'est plus considérée comme une pensée certaine sur laquelle on peut fonder un savoir scientifique. Un cœur. Il s'agit d'une des toutes premières illustrations qui reprend l'enseignement d'un chirurgien anglais qui s'appelait John Harden à la fin du XIIIe siècle. Cette illustration est très exceptionnelle en bas, parce que à le gauche corps et à droite, il s'agit allemand de haut en du bas corps. Et ouvert comme un livre. Et comme si le corps était véritablement en deux pages au milieu. Séparées. Et surtout, la coupe est faite à partir du dos. Une feuille. C'est-à-dire que qui est rouge. Les deux profils, en quelque sorte, sont collés l'un à l'autre comme une sorte de figure gemellaire. Et l'intérieur du corps apparaît avec un certain nombre de détails plus ou moins grossièrement représentés. Une tige et deux feuilles d'une fleur. On voit des gouttes de sang qui perlent autour du corps. C'est deux aussi, enfants. C'est une constante pratiquement dans tous les traités d'anatomie. Ils sont en train de danser. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. De représenter et la mise en scène en quelque sorte de la dissection. C'est-à-dire pas simplement une planche anatomique qui donne à voir un certain nombre d'organes, mais de faire une sorte de compte-rendu de la dissection elle-même. Si vous regardez les planches de Vézal, vous verrez des cadavres suspendus à des cordes, vous verrez les couteaux et les instruments qui ont permis d'ouvrir ce corps, vous verrez éventuellement les liens qui ont permis d'attacher les membres, éventuellement les mouches qui butinent sur les chairs viciées. Certains illustrateurs ont poussé très très loin le réalisme, tout simplement aussi pour faire partager en quelque sorte à ceux qui regardent ces images, l'appréhension qu'il a fallu vaincre en présence d'un cadavre, d'ouvrir ce corps et d'être confronté à quelque chose que Léonard disait lui-même être répugnant. Sylvie Chaperon, quand commence-t-on à disséquer le sexe des femmes et pourquoi faire ? Alors là, il y a toute une histoire de la dissection et apparemment, on aurait commencé à disséquer dès l'Antiquité, notamment dans l'école d'Alexandrie. Au début de notre ère. Simplement, il ne nous en reste aucun texte et évidemment encore moins une image. Donc on sait qu'il y a eu des dissections humaines, on le sait par d'autres auteurs, même si c'est resté une parenthèse assez étroite, ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie. Quels sont les écrits qui restent ? Quasiment aucun de ceux qui les ont pratiqués. Mais de médecins ultérieurs parlant d'eux, bah, par exemple Galien, c'est Soranos, c'est Aristote, c'est Hippocrate, qui nous disent que un tel a pratiqué des dissections et a vu. Bon, c'est par exemple a priori comme ça que les ovaires auraient été nommés didyme. Hein, didyme, c'est le nom de jumeaux qui était attribué aux testicules et les ovaires sont nommés de la même façon. Alors vous me direz, il n'y a pas que les humains hein, qui ont des ovaires, tous les mammifères en ont, hein, donc il y a des dissections aussi de mammifères, mais bon, semble-t-il qu'il y en ait eu aussi d'hommes et de femmes à cette période-là. Et même dans un premier temps, quand on fait les dissections, celui qui lit a plus d'importance que celui qui coupe, qui est vraiment vu comme le technicien bas de gamme, hein, celui qui ouvre les corps. Le boucher. Wow. Le boucher, absolument. Tandis que celui qui guide le scalpel, en quelque sorte, lit les anciens et dit, ben, on doit découvrir ci, après cette partie-là, il y a ça, et le prosecteur hein, coupe pour essayer de trouver ce que dit Galien des corps humains. Par exemple, Galien. Bon, et puis effectivement, de plus en plus, les anatomistes se rendent compte, bah non, Galien, il dit pas toujours la vérité, bah non, par exemple, Galien affirmait que dans l'utérus, il y a deux cavités, hein, l'une qui crée le masculin, l'autre qui crée le féminin, et bah non, quand on regarde et qu'on ouvre un utérus de femme, il n'y a pas deux cavités. Donc petit à petit, tout ce savoir de l'Antiquité va être passé au crible de l'anatomie, et finalement la hiérarchie va se déplacer depuis celui qui lit à celui qui coupe et regarde. Et bon, Vézal a des pages très, très claires là-dessus, disant que c'est le corps qui révèle lui-même sa vérité, et non pas la lecture des anciens. Même si lui-même, par exemple, par rapport au clitoris, il dit « ben non, il n'y en a pas, j'en ai jamais vu ». Parce que dans les ouvrages antiques qui l'informent, il n'y avait pas l'accent porté sur cette partie du corps. On peut découper au scalpel un corps, un sexe féminin, lors d'une autopsie, et ne pas apercevoir le clitoris. Vous nous dites cela, Sylvie Chaperon. Oui. Absolument. C'est-à-dire que le corps n'est pas transparent à celui qui le regarde. Celui qui le regarde a toujours une idée en tête, ou une culture, ou une façon de voir. Et donc, effectivement, on peut ne pas voir le clitoris, ou bien y voir autre chose, ou bien... il faut dire que si on se replace dans le contexte des premiers anatomistes et du discours qu'ils avaient en tête venant des anciens, on a plein de positions différentes quant au clitoris. Il y a la position de Galien qui en fait l'équivalent de la luette, hein, c'est-à-dire d'un petit organe qui protège l'entrée des matrices contre le froid. On a la position qu'on retrouve chez d'autres musiaux, par exemple, qui parlent des Égyptiennes qui auraient des nymphes. Alors, chez les Grecs, c'est pas les nymphes, c'est la nymphée, c'est un seul organe. Qui est ce qu'on appelle, nous, l'équivalent des petites lèvres. Mais pour les anciens, ça désignait tout à la fois le clitoris et les petites lèvres. Et donc, il y a tout ce discours sur la nymphée qui serait trop longue et qu'il faudrait raccourcir, notamment chez les Égyptiennes. Et puis, on a un discours, malheureusement, celui qui a eu le moins d'influence, celui de Soranos ou celui de Rufus, qui lui fait clairement le distinguo entre les petites lèvres, entre le clitoris, entre l'urètre, entre les grandes lèvres, et qui sont les plus précis. Et c'est d'ailleurs dans Rufus qu'on trouve le terme clitoris, et le verbe clitoriser. Hein. Clitoriser, c'est chatouiller cette partie du corps. Désigner, trouver un terme, c'est déjà induire un certain regard, une certaine représentation. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça exactement, ces termes. Delphine Gardet, historienne. Ce qu'on pourrait dire, c'est que pour l'essentiel, les savoirs de l'Antiquité à la Renaissance, les savoirs sur les corps, sont des savoirs qui sont en fait donc des effets d'énonciation de termes par rapport à des organes, et on inscrit ces connaissances dans des corpus qui sont pour l'essentiel les corpus, enfin le corpus galénique, qu'on se transmet hein, de génération en génération et sur lequel on travaille. Et si des choses nouvelles apparaissent, il faut vérifier qu'elles s'introduisent, peuvent se confronter, peuvent fonctionner avec ce corpus préalable. Donc, je dirais que dans toute l'histoire des savoirs, on doit toujours ménager le rapport avec le passé. Et donc, faire tradition, c'est-à-dire faire du neuf ou faire surgir du neuf au sein d'une tradition. Parce que si on est complètement détaché de cette tradition et si on fait surgir du trop neuf ou du trop subversif, on n'arrivera pas à faire valoir son argument de connaissance. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à retenir pour l'histoire de l'anatomie comme pour toute histoire, tout élément d'histoire des sciences, c'est que le neuf surgit de la négociation entre l'actuel et l'ancien. Il y a eu une vraie disparition à partir du IIe siècle, quand le modèle galénique de la différence des sexes s'est généralisé et imposé. Et selon ce modèle, l'homologue du pénis chez la femme, c'est le vagin. Odile Fillot, chercheuse indépendante. Donc finalement, tout ce qui dépasse, les petites lèvres, le clitoris, enfin, il y a pas de mots pour décrire ça. C'est en gros pour lui des petites excroissances qui sont homologues au prépuce du pénis. Le clitoris, il disparaît complètement en tant qu'organe dans ce modèle, et c'est vrai que ce modèle, il a été conservé très très longtemps, en fait, jusqu'au XVIe siècle, avant que les anatomistes italiens reprennent un travail de dissection et redécouvre, mais fasse plus que redécouvrir à ce moment-là l'organe, parce que c'est à ce moment-là qu'il découvre là réellement toute la partie cachée qui était ignorée jusque-là. Voilà. Donc là, effectivement, on peut dire qu'il y a une disparition. En revanche, dès l'instant où les anatomistes découvrent l'organe dans son entièreté et le décrivent, il ne disparaît plus jamais des manuels d'anatomie, enfin de la littérature vraiment savante en médecine. À la Renaissance. Oui, c'est à la Renaissance que ça se passe, oui. Sylvie Chaperon. L'âge d'or de l'anatomie, c'est la Renaissance. Hein, et c'est notamment en Italie où se pratique, et puis ça va se généraliser dans toute l'Europe, des anatomies en public, hein, en amphithéâtre, pour le progrès des sciences, mais aussi pour l'enseignement des étudiants. Un certain Colombo. Un certain Colombo. Alors voilà, pour en arriver à ce qui nous intéresse, c'est Colombo qui déclare dans une publication qu'il est le premier à avoir découvert ce qu'il nomme pas le clitoris, alors que le terme existait depuis l'Antiquité, ce qu'il nomme, alors je ne sais plus, il utilise une périphrase, les douceurs de l'amour ou le siège de la volupté, enfin voilà. Et après, vous avez effectivement Gabriel Fallope qui dit « Mais non, c'est pas vous, c'est moi. » Le fait est que même si la publication de Fallope est postérieure à celle de Colombo, relève d'une pratique qu'il avait face à des étudiants qui témoignent qu'il est le premier à avoir nommé le clitoris. Enfin, le premier à avoir restauré ce vieux terme de l'Antiquité qui avait été oublié. Et c'est ça qui est intéressant on parle de découvertes. En fait, non, c'est pas des découvertes. Hein. C'est à chaque fois des reformulations dans une science dominante nouvelle. En l'occurrence, l'anatomie à la Renaissance, mais les sciences médicales de l'Antiquité connaissaient bien évidemment le clitoris. Donc, à la fin, enfin, au XVIe siècle, Delphine Gardet, le clitoris réapparaît, mais cette fois, il apparaît sous le scalpel de l'anatomiste, dans cette version, on pourrait dire, moderne de la connaissance anatomique, qui consiste à faire surgir la vérité du corps, non pas en la nommant, mais en disséquant. Et là, on a donc cette controverse de priorité, quelque chose de classique dans l'histoire des sciences, entre Realdo Colombo et Gabriele Fallopio, qui donc prétendent l'un et l'autre d'avoir découvert le clitoris. Alors, c'est sur ce statut de la découverte qu'on doit s'interroger. On a des outils et des instruments pour ça en histoire sociale des sciences, en études sociales des sciences et en critique féministe des sciences. Comment peut-il s'agir d'une découverte puisque la chose est déjà nommée et qu'elle est déjà connue ? Parce que les savoirs scientifiques fonctionnent sur le registre de ce que les anglo-saxons ont appelé les claims ou les prétentions de savoir. C'est-à-dire que on peut avoir une conception, on pourrait dire, antique ou platonicienne de la connaissance, comme quoi la réalité aurait été créée, serait déjà et toujours disponible, et elle s'imposerait ou non à nous, à notre regard, du fait de ce qu'il semblerait être l'investigation scientifique et qui découvrirait telle ou telle réalité. Si on fait l'histoire des sciences, et si on fait l'histoire des sciences médicales, et si on fait l'histoire des sciences anatomiques, on voit donc que la réalité ne surgit pas toute seule. La réalité, elle advient à notre conscience, qu'il s'agisse du corps, de la nature ou d'autre chose, comme quelque chose qui est négocié entre les questions qu'on pose, le contexte dans le culturel et social ou les technologies par lesquelles on pose ces questions et ce qui advient. Donc il n'y a pas une naturalité des corps qui parlerait d'elle-même en dehors de tout contexte ou en dehors de toute culture. Les corps ne parlent pas d'eux-mêmes. Les corps sont toujours signifiés dans une culture et dans une époque. C'est intéressant de s'intéresser à ce que disent ces messieurs en termes de découverte. Ça nous apprend plus de choses sur les rapports sociaux et politiques à l'œuvre dans l'exercice de connaissance que sur la réalité elle-même. S'il m'est permis un jour de nommer les choses que j'ai découvertes, il faudra appeler celle-ci l'amour de Vénus ou la douceur de Vénus. Frottez le clitoris vigoureusement avec un pénis ou même touchez-le avec le petit doigt, la semence jaillit de la sorte plus rapide que l'air et cela à cause du plaisir, même à leur corps défendant. Realdo Colombo. Donc, quelle est la dispute qui oppose Fallop et Colombo ? Pour l'un, le clitoris serait le siège de la délectation des femmes, et puis Fallop écrirait le verbe obscène. Il nomme le verbe obscène, c'est ça, qui serait clitorisé. La description du clitoris par Colombo est très axée sur l'idée que c'est le siège du plaisir féminin. Odile Fillot. Mais du point de vue anatomique, sa description de la partie cachée du clitoris, en fait, elle est erronée. Parce que ce qu'il dit avoir vu, et qu'il n'a probablement pas vu, enfin moi je pense qu'il s'est basé sur des descriptions faites par d'autres, parce que c'est tellement erroné, et c'est très difficile d'imaginer qu'il ait pu réellement faire une dissection du clitoris et avoir vu ce qu'il dit avoir vu, puisqu'en fait, il prétend que le clitoris n'est finalement que l'extrémité de deux prolongements de l'utérus. Et en fait, lui, il adhère à une théorie qui est dominante à l'époque, selon laquelle l'orgasme féminin déclenche l'émission de la semence féminine, hein, donc exactement sur le modèle masculin. Et donc, moi, ce que je vois, qui est pour moi le discours principal de ce passage du livre de Colombo sur le clitoris, c'est que, en fait, il dit, mais Eureka, j'ai compris comment ça marche. En fait, c'est parce qu'il y a deux prolongements de l'utérus qui vont jusqu'à la vulve, qui se rejoignent dans cette petite boule, et donc, quand on la stimule, c'est ça qui fait que l'utérus émet la semence, voilà, en gros. Après, Fallope, dans son livre, il ne dit rien sur la question de savoir si le clitoris est le siège du plaisir ou non. En revanche, son étude anatomique est beaucoup plus exacte. Bon, elle reste très très imprécise, hein, mais... En tout cas, il ne décrit pas la partie cachée du clitoris comme étant un prolongement de l'utérus. Voilà, il décrit en fait que en gros, ce sont des corps caverneux comme ceux du pénis. Et voilà. Et par ailleurs, Fallope, lui, pense qu'il n'y a pas de semence féminine. Mais voilà, c'est pas. Enfin, il n'y a pas un véritable débat. Il n'y a pas une controverse qui est développée par Fallope dans son livre sur ce sujet. Enfin, en tout cas, si on devait choisir parier sur Colombo ou sur Fallope à ce sujet, je parierais sans hésiter sur Fallope. Au vu de la description qu'il fait, je pense que oui, il a vraiment vu ce qu'il décrit, ce qui n'est pas le cas de Colombo, je pense. Donc, si on reprend l'histoire du clitoris, qui est très intéressant. Delphine Gardet. Ça a été étudié par Catherine Park, qui est une grande historienne américaine de la médecine de la Renaissance. Ce qu'elle montre très bien, c'est que au fond, la dispute entre Colombo et entre Fallopio, elle est tranchée par leur maître commun, qui est Vésale, puisque tous deux sont disciples de Vésale. Et Vésale dit, ok, vous êtes en train de vous disputer pour savoir qui aurait découvert scientifiquement, fait surgir sous son scalpel le clitoris. Moi, votre maître, je dis, le clitoris, ou ce que vous appelez clitoris, puisque la question de savoir qui nomme quoi, comment aussi, hein, n'existe pas en tant que structure anatomique normale des femmes. C'est quelque chose qui existe dans la nature, cet organe que vous prétendez avoir découvert, mais qui n'est qu'un trait de ce qu'on appelle alors les hermaphrodites. C'est-à-dire que Vésale refuse d'entendre que cette chose qui est un organe qui apparaît alors dans cette époque est déjà comme un antro, un ensus, quelque chose qui vient déséquilibrer les représentations existantes, qui sont en fait des représentations éprouvées, on pourrait dire, qui sont la tradition, qui sont la façon dont on représente le monde pour l'essentiel. Et quelle est cette représentation? Donc, on peut se souvenir et regarder ensemble, bien que nous soyons à la radio, cet organe que je montre toutes les années, tous les ans à mes 250 étudiants à l'Université de Genève en première année, et je leur demande qu'est-ce que c'est. Et donc, vous pouvez peut-être le décrire, hein, comme ça, pour que... Ça ressemble donc à une sorte de fruit assez long, avec une écorce, mais je crois que c'est une verge, non? Mais qui serait découpée... Alors, en fait, ce qui ressemble ici en tout point, que tout le monde imagine être une verge, c'est la représentation par Vésale de la matrice. Et donc, on voit donc qu'il n'y a pas d'évidence a priori de ce qui est représenté comme étant fidèle au corps et à la nature des corps dans l'histoire de la médecine. Ici, on a Vésale qui fait des dissections. Vésale ne fonde pas son savoir seulement sur la reprise des textes anciens. Il confronte son savoir empirique et médical avec cette reprise des textes anciens et des traditions disponibles. Et pourtant, et justement, il va représenter la matrice comme étant exactement une verge. Là, on n'a pas de clitoris. D'ailleurs, il n'y a pas de clitoris. Et ce système de représentation est un des systèmes dominants qui prévaut, qui a été étudié par Thomas Laker dans La Fabrique du sexe en Occident, où il montre effectivement que des anciens au 16e, 17e siècle, bon, 18e siècle même, de toute façon, on peut discuter de ces questions, on a cette idée que les femmes ont à l'intérieur exactement le même organe que celui des hommes à l'extérieur. Donc on a aussi toute une conceptualisation de la différence qui est basée sur, on pourrait dire, une sorte de symétrie inverse, une analogie. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, il existe une hiérarchie, le masculin est placé plus haut que le féminin, l'adulte que l'enfant, etc. Et l'idée est justement que les femmes sont des êtres imparfaits parce que le développement de leurs organes est resté à l'intérieur, hein, mais il est en tout point symétrique. Et donc pourquoi finalement Vézal ne reconnaît pas la prétention de découverte et la dispute, enfin, elle ne tranche pas dans la dispute entre Colombo et Fallope, parce que lui a déjà un système où tout se correspond terme à terme entre le féminin et le masculin. Si on découvre en plus un clitoris, quelque chose qui est donc extérieur et qui est possiblement érectile, ce que va établir notamment Colombo, non pas à partir de la dissection, bien entendu, mais sans doute du fait d'autres expériences que des expériences de dissection. Hein. Donc il constate que le clitoris est érectile et il le thématise comme un petit pénis. Alors là, dit Vézal, il y a quelque chose qui est insupportable au regard des paradigmes, on dirait, ou des traditions existantes. Le clitoris, qui est donc cette espèce de petite protubérance qui sort, entourée par ce qu'on appelle aujourd'hui des lèvres ou les nymphes, etc., à l'époque, il ne peut pas, pour Vézal, être un autre prépuce et gland, puisqu'il y a déjà ce prépuce et ce gland hein, dans la matrice, en fait. Donc, si c'était le cas, ça voudrait dire que les femmes ont deux sexe. Donc, au fond, il existe différentes traditions pour ne pas attribuer au clitoris une place dans la qualification des organes sexuels et reproducteurs s'il s'agit de continuer à penser, et c'est ce que les hommes font, ils pensent dans les cadres qui sont les leurs, en fonction des cadres disponibles, c'est-à-dire en pensant le genre comme étant, en fait, unique, mais analogique et inversé. C'est-à-dire que les femmes ont bien à l'intérieur la même chose que les hommes. Alors, ce qui est particulièrement problématique, malgré tout, c'est que dans cette idée d'une forme d'appareils génitaux masculin-féminin qui sont simplement en miroir ou qui sont simplement inversés, Elsa Dorlin. Ce qui pose problème, c'est qu'en ce qui concerne l'appareil génital masculin, on voit bien que l'érection, l'éjaculation, etc., passent par le même canal, par exemple le canal de l'urètre, que l'urine, et qu'on voit bien la fonction qui pourrait être... Alors, il est décidé, voilà, il y a une fonction urinaire, et puis il y a la question de la semence, et donc l'excitation sert à éjaculer, et donc sert à la semence et à la fécondation. Donc pendant quand même... Vraiment, en tout cas, c'est le cas au XVIIe siècle. Alors, on considère que cette période des règles est souvent la plus féconde. On pose la question, et ce sera également le cas au XVIIIe siècle, de savoir, faut-il que les femmes ressentent du plaisir pour être fécondées ? Et ça va être toute la question, par exemple, sur le viol, qui est débattu au XVIIIe siècle, c'est-à-dire comment, en cas de viol, peut-on expliquer qu'il y ait eu fécondation si finalement la semence féminine, si les femmes éjaculent, puisqu'on parle également d'éjaculation féminine, si les femmes éjaculent alors même qu'elles n'ont pas ressenti du plaisir. Donc il y aura toujours ce... Voilà, on est pris à la fois dans ce débat de c'est la même chose et... Il y a quand même une spécificité. Donc ce débat-là, il est articulé, par exemple, sur le clitoris, comment il peut avoir un organe qui soit spécialement dédié à l'orgasme féminin, spécialement dédié au plaisir, mais qui n'ait pas d'incidence, par exemple, sur l'émission de semences, qui n'ait pas d'incidence sur la fécondation, la fécondité des femmes, et qui donc n'ait pas d'incidence sur la reproduction. Donc ça, c'est vraiment difficilement pensable. Le point critique... où le débat sur le clitoris met en crise un certain nombre d'interprétations et d'élucidations de ce phénomène de la fécondation, c'est sur la rupture qu'il y a dans le corps féminin entre fécondation et orgasme et plaisir. Voilà, c'est vraiment au début, enfin dans la première moitié du XIXe siècle, qu'on a les premières représentations des bulbes du clitoris, qui sont au départ appelés plexus rétiforme. Là, on est encore dans un, voilà, on dit c'est un truc un petit peu informe, une sorte de plexus, un mélange de plein de choses. Après, c'est appelé bulbe du vagin. Et puis, on a vraiment ce qu'on peut qualifier d'apogée dans la, en termes de qualité de la description et de dessin du clitoris, qui est atteinte avec l'ouvrage de Cobelt en 1844, qui est traduit en français en 1851, où là, voilà, on a à la fois des planches anatomiques extrêmement précises, et puis un vocabulaire aussi qui se fixe définitivement avec le terme vestibule, bulbe du vestibule, ou bulbe vestibulaire, qui est encore le terme employé aujourd'hui. Oui, alors Ludwig von Cobelt, en fait, il reprend les anatomistes, y compris les Colombo, Fallope, Vézal, mais aussi tous ceux du XVIIe, du XVIIIe, là. Donc, il y a quand même un travail cumulatif, il fait une synthèse de tout ça. Sylvie Chaperon. D'un côté la verge, de l'autre côté la vulve, le clitoris. Et surtout, il s'intéresse, et c'est là où il est sans doute novateur, il s'intéresse à d'où vient le plaisir. Quelle est la physiologie du plaisir ? En fait, comment s'explique l'orgasme? Quels sont les organes responsables de l'orgasme? Et donc, effectivement, il va décrire très précisément, bon, le clitoris externe qui est assez évident, mais le corps du clitoris, les racines ou les piliers du clitoris, les bulbes, dit-il, du vestibule et non pas du vagin. Il est très précis là-dessus parce que les auteurs précédents en faisaient parfois des muscles, parfois des bulbes reliés au vagin, parfois des glandes. Enfin, c'était pas précis du tout. Lui, il affirme que ce sont des bulbes qui sont des réservoirs sanguins pour l'érection du clitoris. Hein. Et puis, alors, il a lui aussi notre petit, il a planté un petit drapeau dans notre corps, hein, puisque il a désigné ce qu'il appelle le réseau intermédiaire, qui est un ensemble de veines qui font passer justement le sang des bulbes vers le corps du clitoris, et qui explique donc que l'érection des corps caverneux du clitoris puisse se faire à partir du sang chassé des corps spongieux. Des bulbes qu'il appelle du vestibule. Comment procède Cobelt ou Delphio? Mais lui, il va vraiment plus loin que les anatomistes qui l'ont précédé, parce que il veut vraiment voir comment ça marche et quel est le rôle du clitoris dans le plaisir sexuel. Donc il fait, par exemple, il fait des expériences d'injection de liquide. Il injecte du liquide dans les bulbes. Il regarde si ça passe dans le corps du clitoris, si ça provoque une érection. Enfin, voilà, il s'intéresse au rapport entre les muscles qui recouvrent le clitoris et puis le clitoris lui-même. Il s'intéresse beaucoup à l'innervation de l'organe. Donc il regarde tout ça de très très près et comparativement à l'innervation du vagin. Et donc, voilà, à partir de tout ça, il conclut que vraiment, l'organe... Enfin, d'abord, il dit, voilà, c'est un appareil érectile, et il dit, c'est vraiment l'organe du plaisir féminin, et il conclut que, a priori, le vagin n'a à peu près aucune fonction dans le plaisir sexuel féminin. Et lui, il affirme que tout vient du clitoris. Comme un adorateur marchant lentement autour du temple, fait glisser ta langue sur son yoni, tout autour, de gauche à droite, en dessinant un cercle de plus en plus étroit jusqu'à en atteindre le centre. Délicatement, délicatement, saisis entre tes dents et ta langue le joyau palpitant et enflé de son yoni et suce-le comme un nourrisson tête au sein. Alors, il s'élèvera hors de son enveloppe, luisant et dressé, enflé tel un formidable rubis. » poème tamil de la fin du Moyen Âge, le Kamapana Kastiram. Archéologie du clitoris avec Delphine Gardet, historienne et directrice de l'Institut des études de genre, Sylvie Chaperon, historienne, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexologie, Elsa Dorlin, philosophe, Odile Fillot, ingénieure et chercheuse indépendante en sociologie des sciences et spécialiste de la vulgarisation scientifique, Carole Fritz, archéologue spécialiste de l'art pariétal, Laurent Valois, archéologue amateur. Avec la voix de Anne Stephens, Anne-Lise Signoret à la documentation, chargée de programme Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Kervran. Un documentaire de Nejma Boikra. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans une grotte, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, panique sexuelle. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Mais en attendant, restez à l'écoute.